Numéro 31. Les repas. 食事. Le petit déjeuner. 朝ごはん. 朝食. Le pain. パン. Le beurre. バター. La confiture. ジャム. Le miel. ハチミツ. Le déjeuner. ヒルごはん. 昼食. Le dîner. ユーごはん. 夕食. Les légumes. 野菜. Le riz cuit. ごはん. Le riz sauté. チャーハン. La pomme de terre. ジャガイモ. La patate douce. サツマイモ. La viande. お肉. Le poisson. サカナ. Le bœuf. 牛肉. Le porc. 豚肉. Le poulet. Chicken. 鶏肉. L'œuf. Tamago.